Chapitre 4. L'aventure était mauvaise. Jean ne se le dissimulait pas. Il voyait les conséquences qui seraient évidemment fâcheuses. Il prit vite son parti. Pour éviter l'orage qui éclaterait chez le père Picot, il s'en allait au billot, voir l'oncle Régalard. « Qu'est-ce que tu as ? Tu n'es point comme d'habitude. »« Mais si, mon oncle, je vais très bien. »« Non, il t'est arrivé quelque chose. Est-ce avec Picot ? S'il t'ennuie, dis-le-moi. » Ou avec ta mère? Mais réponds donc. » Jean raconta ce qui venait de se passer chez le maire de Saint-Pierre-sur-Dive. « Ah, mon pauvre garçon, est-ce possible? Eh bien, tu vas voir ton père. Ça va être gentil. Mais comment se fait-il que tu aies fâché M. Darrel ?» Il trouvait que j'étais trop long à le faire poser. Et puis il prétend que ça ne lui ressemble pas. Parbleu, il a une si sale tête qu'il ne veut pas reconnaître son type tout craché. » Jean se fâchait, se grisant de ses paroles, criant après le maire. Il oubliait que lui-même avait abandonné la partie. « C'est idiot, il prétend que je ne suis pas de force à portrait de curé, un normand bouffi, moi qui me suis mesuré avec une armée de tartares et avec Tamerlan. » « Écoute, dit l'oncle, je vais aller à Saint-Pierre-sur-Dive arranger l'affaire. Monsieur Darrel est très violent, mais c'est un brave homme au fond. Je suis tranquille là-dessus. » Et l'oncle Régalard, ayant fait atteler la charrette, partit, laissant Jean un peu triste à la maison. L'artiste, devant le seuil, regardait s'éloigner, sur la route, le vieil oncle, qui, endossant sa redingote pour la visite au maire, l'avait recouverte d'une blouse en toile cirée bleue. La charrette en bois blanc roulait au petit trot d'un cheval nain, soulevant un peu de poussière sous ses sabots. Le soleil piquait juste au-dessus de la route, blanche entre les haies d'un vert clair. Jean pensa qu'il n'était peut-être pas bâti pour être peintre d'histoire, et que le paysage ferait bien mieux son affaire.